Profitant de la courte absence de son père, Angélique a juste le temps de confier à Toinette son amour pour Cléante, dont elle attend qu'il la demande en mariage.